Chapitre 1. L'esprit de la nation. La folk music dans les symphonies. Extrait d'une lettre de Sidney Robertson à un de ses amis, datée de août 1936. Pour le meilleur ou pour le pire, l'éducation musicale dans ce pays a été orientée si exclusivement vers l'Europe que le meilleur musicien vous êtes, le moins vous en savez sur la musique américaine. Si dans ses vieux jours, Robertson considère que sa principale profession a été collectrice de folk music, sa formation initiale et ses principales expériences professionnelles avant et après sa carrière de collectrice appartiennent au domaine des musiques dites « savantes ». C'est également le cas de nombre de ses collègues et collaborateurs dans les années 30, comme Charlie Ruth Seeger et Henry Cowell. Elle découvre d'ailleurs pour la première fois la folk music au conservatoire de San Francisco, dans les cours de théorie musicale du compositeur Ernest Bloch. Une exploration de la naissance et des évolutions épistémologiques de la notion de folk music américaine ne peut être menée sans prendre en compte le discours et les pratiques des compositeurs officiant aux États-Unis, même si ces derniers apparaissent souvent à la marge des recherches sur la folk music, en partie en raison de la division envahissante entre musique dite folk et musique dite savante ou classique. Si, contrairement aux anthropologues et aux folkloristes, les compositeurs et les critiques musicaux américains ne réalisent que peu, voire pas de collecte avant au moins les années 20, leur intérêt pour les musiques du peuple est vif, et abreuve les débats autour de la recherche d'une musique savante émancipée des modèles européens dès la fin du 19e siècle. Les années 1890-1920, période où le nationalisme et l'impérialisme états-unien se renforcent, correspondent à l'intensification de la quête d'une musique cultivée, distinctement américaine, pour laquelle des musiques qualifiées de folk sont mobilisées. Paradoxalement, cette préoccupation mène les compositeurs américains à importer d'autant plus le modèle des compositeurs romantiques et post-romantiques européens, qui, dans leur recherche d'une musique perçue comme plus naturelle, reflétant l'esprit des nations, se sont eux aussi tournés vers les musiques médiévales et folk. Ce chapitre s'ouvre avec l'arrivée aux États-Unis du compositeur bohémien Antonin Dvorak dans les années 1890 et les débats houleux que suscite son appel à utiliser des, je le cite, « mélodies nègres » pour fonder un style musical national américain. Il se clôt dans les années 20 sur les controverses autour de la Rhapsodie America d'Ernest Bloch, compositeur d'identité suisse, française et juive, qui emploie également des mélodies dites folk pour insuffler un caractère américain à son œuvre. Entre les deux, j'aborderai les réflexions des compositeurs qui, au tournant du XXe siècle, choisissent les musiques amérindiennes comme socle à l'invention d'une musique savante américaine, ainsi que celle de John Powell, compositeur et organisateur d'un festival folk avec qui Robertson a sporadiquement collaboré dans les années 30, pour qui seule la folk musique anglo-saxonne et blanche serait digne de représenter la nation. Première partie, le débat de Dvorak, année 1890. La musique future de ce pays doit être fondée sur ce qu'on appelle les Negro Melodies. Voilà les folk songs de l'Amérique et vos compositeurs devraient se tourner vers elles. Antonin Dvorak, cité par James Krillman dans son article « Real Value of Negro Melodies », publié dans le New York Herald du 21 mai 1893. Cette déclaration publique d'Antonin Dvorak, appelant à l'usage des folk songs d'Amérique et sa mise en pratique dans sa symphonie du Nouveau Monde de 1893, suscite d'intenses débats chez les compositeurs et les critiques états-uniens. Certes, avant l'arrivée du compositeur tchèque aux États-Unis, quelques autres compositeurs s'étaient déjà inspirés de musique dite folk ou populaire, à l'instar d'Anthony Philip Heinrich et de Louis Moreau Gottschalk. Mais leur pratique ne relevait pas d'un programme théorique explicite. À partir du débat de Dvorak, moment fondateur, et jusque à la seconde partie du XXe siècle, tous les compositeurs américains devront peu ou prou se positionner au sein de celle-ci. Plus qu'aucune autre position, elle fondera la musique savante américaine contemporaine. La folk musique américaine selon Dvorak. Dvorak s'installe à New York en septembre 1892, après que la riche mécène et fondatrice du Conservatoire national de New York, Jeannette Serber, l'ait convaincu d'en devenir le directeur en échange d'un salaire conséquent. Dvorak est alors âgé de 51 ans et bénéficie d'une réputation internationale comme représentant majeur de l'école romantique austro-allemande. Suivant l'exemple de son compatriote Bedřich Smetana, il s'intéresse aux musiques paysannes de sa Bohême natale et en intègre des éléments dans ses compositions. En nationaliste culturel convaincu, Dvorak défend l'idée selon laquelle les chants des gens du commun constituent la seule inspiration permettant aux musiciens savants, je le cite, « d'exprimer le vrai sentiment de son peuple et de se connecter, je le cite à nouveau, à l'humanité commune de son pays ». Le nationalisme culturel du compositeur s'explique au moins en partie par son origine. La Bohême est alors en lutte pour son indépendance politique face à l'Empire austro-hongrois. Aux États-Unis, Dvorak se donne pour mission d'explorer les musiques populaires du Nouveau Monde, d'en encourager l'étude auprès de ses étudiants au Conservatoire de New York, et même d'en intégrer à ses propres compositions afin de proposer un modèle. Dans l'article du New York Herald du 21 mai 1893, dans lequel le journaliste James Creelman explicite les positions de Dvorak, qui est alors peu anglophone, il cite celui-ci et écrit « Je ne suis pas venu en Amérique pour interpréter Beethoven ou Wagner pour le public. Ce n'est pas mon travail. Je suis venu pour découvrir ce que les jeunes Américains avaient en eux et pour les aider à l'exprimer. » La musique nationale des États-Unis que Dvorak imagine doit, pour arriver à maturité, s'émanciper de l'influence des grands maîtres européens en se fondant sur les folk songs d'Amérique. Quel type de musique ou de répertoire le compositeur considère-t-il comme appartenant à cette catégorie musicale, qu'il nomme également « national songs » ? Si la définition qu'il en donne est en fait assez vague, un type de chant retient particulièrement son attention. Ce sont les chants, ce qu'il appelle les chants des plantations. Dvorak réaffirme son goût pour ces chants des plantations dans l'essai « Music in America », synthèse de ses positions, publiée avant son départ des États-Unis en février 1895, dans le magazine à grand tirage Harper's New Monthly Magazine. Je le cite « Ce que l'on appelle les chants de plantation sont en effet les mélodies les plus frappantes et séduisantes qui ont à ce jour été trouvées de ce côté de l'océan ».